Les Jeux Olympiques par Paul Monceau. La Grèce a convié le monde aux grandes fêtes qui viennent de s'achever il y a quelques jours pour la célébration à Olympie des Jeux renouvelés de l'Antique, première manifestation internationale de la Ligue de l'éducation physique. Au congrès qui fut tenu à Paris à la Sorbonne en 1894, on décida que l'on instituerait des concours de Jeux internationaux tous les 4 ans, à l'imitation des grands jeux qui réunissaient tous les 5 ans les champions du monde grec. Par déférence pour une si antique et glorieuse tradition, la Grèce fut le premier champ désigné pour la rencontre des modernes athlètes, car c'est aux jeunes gens qu'a été réservé le nouveau stade d'Olympie. La France a obtenu la seconde célébration, qui coïncidera avec l'exposition universelle de 1900. Il nous a semblé intéressant à cette occasion de reconstituer pour nos lecteurs, par le texte et l'illustration, ces grandes cérémonies des Jeux Olympiques qu'ont immortalisé les artistes de la Grèce, adorateurs du corps humain, de faire revivre ces nobles combats de l'adresse et de la force, dont nos récents lundis, avec leurs nouveautés d'importation anglaise, ne sont que de chétives imitations. Nous ne pouvions mieux faire que d'emprunter la description de ces fêtes au magnifique ouvrage de messieurs Laloux et Paul Monceau, la restauration d'Olympie. En principe, c'est pour honorer Zeus, le Jupiter olympien et ses hôtes divins, que les peuples grecs se donnaient rendez-vous dans la plaine d'Olympie. On venait adorer le maître de l'Altis, le dieu tout-puissant, roi des dieux souverains de l'Olympe. Là s'élève en effet la cité religieuse, le sanctuaire de la Grèce, le temple de Zeus, avec son peuple de prêtres, de magistrats, de devins et de sacrificateurs. Là est gardé le riche trésor sur lequel veille jalousement le Sénat olympique, le trésor des offrandes et des revenus de la Grèce. Là sont reçus les vœux, rendus les oracles officiels, les oracles sacrés. Toute la vie de ce coin du monde est concentrée dans les cérémonies multiples du culte et dans les fêtes, celles d'Héra entre autres, réservées aux femmes. Mais toutes les dévotions d'Olympie s'effaçaient devant la grande cérémonie quinquennale, la fête de Zeus. Tous les 5 ans, l'approche de cette fête causait à Olympie une vive émotion qui gagnait bientôt toute l'Élide, puis tous les peuples grecs. Bien longtemps d'avance, on avait nommé les juges des futurs concours qui, pendant des mois, étudiaient minutieusement tous les règlements des jeux et recueillaient les traditions. Déjà étaient arrivés la plupart des concurrents qui s'exerçaient chaque jour dans les gymnases d'Élysée et d'Olympie. On comparait les talents, on escomptait les chances de ses favoris. Les ambassadeurs sacrés de Jupiter allaient de ville en ville porter la bonne nouvelle et inviter tous les membres de la grande famille hellénique depuis Marseille jusqu'en Égypte ou en Crimée. Bientôt arrivaient les pèlerins. Pendant quelques jours, dans les chemins de l'Altis, sous les portiques des temples, sur les talus du stade et de l'hippodrome, se poussaient des cohues vivantes. À Olympie se mêlaient, dans une étrange confusion, les dialectes et les costumes. On courait d'un temple à l'autre, d'un autel à l'autre. Tout à coup, dans le recueillement d'un religieux silence, défilaient de saints cortèges. Des prêtres rentraient dans un temple en chantant des hymnes. Des familles chargées d'offrandes, les mains tremblantes de reconnaissance, venaient accomplir un vœu. Les députés d'une ville, au nom de leurs concitoyens, offraient un sacrifice à Zeus. Un orateur célèbre haranguait la foule sur les marches de l'opisthodome. La voix d'un héros proclamait un traité solennel qui liait 2 États. Les magistrats s'avançaient lentement vers le souterrain du stade, suivis des concurrents pâles d'ambition. On s'arrêtait, on écoutait, puis on courait retenir sa place au pied du grand autel, aux portes du boulotérion ou du gymnase, au stade, à l'hippodrome. On ne voulait manquer ni un sacrifice, ni un cortège, ni une lutte, ni une course. Puis, dans une éclatante fanfare, couronnée de fleurs, les veines gonflées d'émotion, en cortège radieux, les vainqueurs gagnaient le prix tanné. Seuls des gens braves, des politiciens, des philosophes, s'isolaient au milieu des clameurs assourdissantes pour discuter les termes d'un traité, pour déterminer l'essence de la nature ou de Dieu. Mais pendant ces grands jours de divin loisir, la foule se moquait de la philosophie, de la politique, de tous les problèmes insolubles. On ne vivait que pour de beaux spectacles, de belles statues, de belles courses, une belle lumière. on eût dit que la fête olympique concentrait pour quelque temps dans l'Altis toute la vitalité de la race hellénique. Enfin, le long des voies sacrées s'écoulait la foule des pèlerins, l'âme satisfaite, avec une gaieté bruyante que voilaient par intervalles des pensées mélancoliques. On songeait aux chers absents, cloués au sol natal, qui longtemps, au départ, vous avaient suivi des yeux. On songeait aussi qu'on retombait pour 4 ans dans les tristesses de la vie réelle. L'amertume du retour s'augmentait du souvenir des joies de l'abeille. Et du haut des collines qui bordent l'Alphée, on promettait à Zeus de répondre toujours à son périodique appel. Pour longtemps, le silence s'étendait sur la ville sainte. Pourtant, chaque jour de l'année, on y voyait circuler des ombres pieuses, des magistrats, des prêtres, des sacristains, des pèlerins isolés, venus pour consulter l'oracle ou sacrifier sur un autel, tous gens recueillis et discrets, dont le pas glissait sur l'herbe. Pendant ces 4 années d'entracte, chaque dieu, chaque héros de l'Altis recevait régulièrement les honneurs auxquels il avait droit, s'enivrait du parfum qu'il aimait. Seul, le monotone écho des prières et la psalmodie des hymnes troublaient la paix somnolente du sanctuaire. Les processions, les sacrifices, les expositions d'art et les parades oratoires, voilà, dans l'imagination des Hellènes, les intermèdes de la fête olympique. Mais ce qu'on y venait contempler avant tout, c'était le concours hippique et les jeux du stade. Ces exercices occupaient en grande partie 3 journées du pèlerinage. Pendant d'interminables heures, 40 ou 50 000 personnes venues de tous les points du monde, et parmi elles tout ce que la race comptait de plus distingué par le talent ou la fortune, goûtaient une volupté divine à voir des hommes se meurtrir à coups de poing et des chevaux lutter de vitesse. L'attrait de ce spectacle n'était point, comme aux courses de l'Europe moderne, dans l'émotion vulgaire des enjeux, dans le plaisir équivoque de confier son argent aux caprices du hasard. Ce qui entraînait les Hellènes, c'était un besoin esthétique, confus chez les gens du peuple, très net pour les philosophes et les intelligences cultivées, le besoin d'admirer, dans l'épanouissement de leur beauté et l'emportement de leur audace, les 2 rois de la nature, l'homme et le cheval. À ce plaisir se mêlait une inquiétude patriotique. Dans ces arènes où se rencontraient tous les peuples grecs, chacun appelait de ses vœux impatients le triomphe de sa ville natale. Il va sans dire que les concurrents cédaient surtout à l'aiguillon de l'ambition personnelle. Ils voulaient faire applaudir leur force ou leur luxe, mais ils savaient aussi que leur victoire illustrerait leur pays. Les succès olympiques, qui mettaient un individu hors de pair, comptaient même dans la vie des peuples. Aussi, dans l'organisation des Jeux, rien n'était laissé au hasard. Bien longtemps à l'avance, on avait désigné les membres du jury, qui se préparaient scrupuleusement à leurs fonctions et présentaient toutes les garanties d'impartialité. Les concurrents avaient été soumis à une série d'épreuves pour éviter le scandale d'un succès illégal. Des règlements sévères fixaient l'ordre et les conditions des concours. Bien rarement, des protestations et des cris de colère couvrirent les acclamations dont la foule enthousiaste saluait le défilé des vainqueurs dans l'Altis. À tous les concours présidaient les Hélladonis ou juges des Hélènes. C'étaient des magistrats désignés pour chaque Olympiade, tirés au sort dans une classe restreinte de citoyens, sans doute entre les familles qui composaient l'aristocratie sacerdotale. Ils entraient en fonction 10 mois avant l'ouverture de la fête olympique. Ils demeuraient à Élis dans un palais spécial, voisin du gymnase, où ils passaient la plus grande partie de leur temps. Là, ils dirigeaient les exercices des athlètes et des cochers. Quelque temps avant les fêtes, les 10 juges, comme les athlètes, partaient pour Olympie. Ils suivaient la voie sacrée. Avant d'entrer dans l'Altis, ils s'arrêtaient à l'ancienne frontière de Pise et d'Élis. Ils s'y baignaient et immolaient un porc. Dès lors, ils étaient tous à la préparation des Jeux. Ils recevaient au Boulotérion le serment des concurrents, de leur famille et de leur maître. Eux-mêmes, sur l'autel de Zeus Erchaeos, juraient de remplir leurs devoirs et de ne point révéler le motif de leurs arrêts. Ils examinaient les athlètes, les enfants, les chevaux et les poulains, les classaient par catégorie et dressaient pour chaque concours la liste des rivaux. Ils veillaient enfin à l'aménagement matériel des champs de course. Les concurrents devaient se faire inscrire environ 1 an à l'avance, sur un registre que tenaient les magistrats d'Élis. tous les candidats, excepté les anciens vainqueurs d'Olympie et quelques athlètes universellement connus, devaient faire un stage de 30 jours au gymnase d'Élis. La plupart y passaient leurs 10 mois d'exercice dans l'enceinte des divers champs d'exercice, tandis que dans les salles et les esplanades se donnaient rendez-vous des lutteurs, des artistes, des philosophes et des poètes, tous ceux qui enfin s'intéressaient au progrès de l'athlétisme. Avant de paraître au champ de course, les hommes comme les chevaux devaient s'être soumis à un véritable entraînement. On suivait un régime. Anciennement, on ne mangeait que du fromage mou. Mais un habile homme, Droméus de Stymphale, préféra la viande et remporta plusieurs victoires. Depuis, il fut entendu que les athlètes, pour fortifier leurs muscles, devaient absorber des quantités énormes de viande généreuse. Milon de Crotone, comme autrefois Héraclès, se promenait avec un bœuf sur les épaules, puis le tuait et le mangeait. Une cérémonie imposante clôt la série des épreuves préliminaires. Tous les concurrents, suivis de leurs pères, de leurs frères et de leurs maîtres, se rendent en grand cortège au Boulotérion. Là, tous étendent la main sur l'autel de Zeus où fument les entrailles d'un sanglier et jurent, en présence des Hellanodis, de se comporter loyalement dans les concours. Dès lors, tous se recueillent dans une solennelle attente. Les uns ont pleine confiance dans le succès. On en voit qui, sur la foi d'un oracle, font exécuter leur statut d'avance. D'autres ont eu des visions. L'athlète a vu en songe un lionceau étendu sous son lit, où sa mère a rêvé qu'elle embrassait son fils couronné. La plupart offrent un sacrifice à Zeus, interrogent son oracle. Les cochers immolent des victimes à Taraxippos, le démon qui se cache dans la borne de l'hippodrome pour effrayer les chevaux. Chacun va où le pousse sa superstition de joueur ambitieux. Enfin se lève le grand jour. Le cortège des concurrents s'aligne derrière les robes rouges des Hellanodis, sort du gymnase, pénètre dans l'Altis, adresse en passant une dernière prière à Zeus, puis se livre, les cœurs bouillonnants, aux caprices des champs de course. De siècle en siècle, souvent d'une fête à l'autre, s'enrichit le programme des Jeux olympiques. Longtemps, on ne connut que la course simple à la mode spartiate. En 724, avant notre ère, on inaugure la course double, puis le pugilat, la course armée. On imagine aussi des concours spéciaux pour les enfants, la course simple et la lutte, le pentathle, le pugilat, le paneras. Peu à peu s'introduit la mode des exercices hippiques. Successivement paraissent les quadriges, les chevaux montés, les attelages de mulets, les juments, les chars à 2 chevaux, les chars à 4 poulains, les chars à 2 poulains, les poulains montés. La physionomie des jeux varia donc suivant les époques. C'est toujours par les courses du stade, les plus anciens de tous les exercices et les plus honorés, qu'on inaugurait la première journée. Bien avant l'aurore, tous les pèlerins, groupés par nations, se sont massés sur les talus. Au lever du soleil retentit un coup de trompette. De l'allée souterraine débouchent 3 Hellanodis vêtus de pourpre, couronnés de lauriers. Derrière eux se déroule l'imposant cortège des athlètes. Les juges traversent tout le champ de course et gagnent leur tribune dressée en face de la borne. Autour d'eux, à des places d'honneur, siègent les magistrats et les prêtres d'Élis, les hôtes publics, les députés des États, tous les étrangers de marque. Près de là, sur son autel, fier de son privilège envié, trône la seule femme mariée admise au spectacle, la prêtresse de Déméter Chamine. Voici qu'éclate une nouvelle fanfare. Un héros s'avance dans l'arène et dit d'une voix forte que les coureurs du stade se présentent. Un des officiers de paix fait l'appel des concurrents, pendant qu'un crieur les désigne à la foule en indiquant leur nom et leur patrie, en demandant si quelqu'un conteste leur qualité de citoyen ou d'honnête homme. Un Hellanodis harangue les athlètes, ordonne aux candidats indignes de se retirer. Puis les coureurs entrent dans la barrière, le bâtiment situé entre le stade et l'hippodrome, pour se dépouiller de leurs vêtements et se frotter d'huile. Ils reparaissent complètement nus. On apporte l'urne de Zeus, vase d'argent qui renferme des jetons de bois où sont gravés des caractères alphabétiques. Chaque concurrent tire au sort celle des 20 places qu'il doit occuper sur la bordure de pierre. La litharque reçoit le jeton, le contrôle, et fait conduire l'athlète au poste qui lui est assigné. Chaque coureur, séparé de ses voisins par 2 poteaux, assure ses pieds en les appuyant sur les deux rainures du pavé. Au coup de trompette, les quatre premiers concurrents s'élancent. On met en réserve le vainqueur de cette première épreuve, le premier arrivé à la borne en face des Elanodis. Successivement partent les groupes de quatre coureurs. Puis on met aux prises les triomphateurs. Les juges rendent leur arrêt et un héros proclame le vainqueur définitif, l'Olympionique par excellence, celui qui donnera son nom à l'Olympiade. Telle est la course simple. À la course double, les athlètes partent de la bordure voisine des Elanodis, s'élancent vers l'autre extrémité, tournent le but, puis reviennent à la borne principale. À la course sextuple, on parcourt 6 fois la longueur de l'arène. Pendant tous ces exercices, la foule s'agite, crie, hurle sur les talus, encourage ses favoris, siffle les maladroits. Souvent les coureurs vont si vite que leurs pas s'impriment à peine sur le sol. Le béotien Eukidas, en un jour, allait de Platée à Delphes et en revenait. Un Argien, vainqueur du stade Olympie, part aussitôt après son triomphe et arrive le soir dans sa patrie. C'était de précieux messagers en cas de guerre. Quand les Perses menacent l'Attique, les Athéniens dépêchent aussitôt à Sparte le coureur Philippide. Un autre expire en annonçant au bout de quelques heures la bataille de Marathon. Ces 3 courses, simples, doubles et sextuples, ouvraient les jeux. Au contraire, l'on rejetait tout à la fin la course armée. À cet exercice, il fallait parcourir 2 fois la longueur du stade en costume de guerre. Primitivement, on portait l'attirail complet, bouclier, casque, lance, jambière. Peu à peu, on allégea la charge des athlètes. À partir du 4e siècle, ils n'eurent plus à porter que le bouclier. À cet usage, on réservait les 25 boucliers de bronze conservés dans le temple de Zeus. Comme les courses, les luttes se compliquèrent de plus en plus. À la lutte simple, on se battait à main plate. Au signal, les 2 adversaires, frottés d'huile et de sable, se prenaient par les bras, front contre front, se poussaient, se penchaient, se soulevaient. Il fallait par 3 fois terrasser l'antagoniste et lui faire toucher le sol avec les épaules. C'est d'après le sort qu'on accouplait les lutteurs. Les jetons préparés dans l'urne en nombre égal à celui des concurrents se correspondaient 2 par 2. Les athlètes, après leur prière à Zeus, plongeaient la main dans l'urne et gardaient leur billet sans le lire. Quand tous avaient tiré, l'alitarque, suivi de ses policiers, faisait le tour des concurrents rangés en cercle, inspectait les lettres, désignait A pour combattre A, B pour combattre B. Les concurrents étaient-ils en nombre impair? Le privilégié qui avait amené la lettre isolée s'asseyait jusqu'à la fin de la première épreuve. On l'appelait l'éphèdre. Après cette lutte préliminaire, les vainqueurs de chaque groupe et l'éphèdre tiraient encore au sort. On accouplait ainsi de suite les athlètes jusqu'au moment où l'on pouvait proclamer un triomphateur unique. On procédait de même pour décerner le prix du pugilat et le prix du pancras. Au pugilat, les athlètes avaient la tête protégée par une calotte de bronze. Leurs poings étaient garnis de lanières de cuir avec des bossettes de métal. C'était une lutte terrible, sauvage. On s'observait avant de porter un coup, on levait le bras pour couvrir sa tête, on tâchait que son adversaire fût aveuglé par le soleil. Alors, de toute sa force, on lançait sur les côtes, le visage ou les membres de l'antagoniste, son poing bardé de fer. Le médecin Antakos prétendait que le pugilat était le meilleur remède contre les étourdissements et les migraines. Mais il faut y reconnaître un remède bien radical. D'ordinaire, on sortait de cet exercice défiguré ou estropié, tout ensanglanté. Souvent, on en mourait. Le combat durait jusqu'au moment où l'un des adversaires se déclarait vaincu. Mais parfois, les athlètes blessés poussaient l'amour-propre jusqu'à un étrange héroïsme. L'un d'eux, sentant sa mâchoire brisée, avale ses dents et reste si calme que son antagoniste renonce à la lutte. Cet exercice passionnait les gens du peuple. La foule jugeait les coups, excitait les combattants. Un paysan de Bé, Démilos, avait vu un jour son fils Glaucos enfoncer avec son poing un soc de charrue. Frappé de cette vigueur, il le conduit aux Jeux d'Olympie. Pendant le combat, il voit le jeune homme faiblir. Alors, d'une voix terrible qui couvre les clameurs de la foule, il lui crie « Mon fils, souviens-toi de la charrue !» Le garçon, dans un suprême effort, porte un coup droit, qui décide de la victoire. Le pancrace était une combinaison de la lutte et du pugilat. On avait le droit de frapper, de renverser, de serrer la gorge, mais on ne devait pas faire usage des dents et les mains n'étaient pas armées de gantelets. On paralysait souvent son adversaire en lui tordant ou lui écrasant les doigts. On peut se faire une idée du pancrace d'après le beau groupe des lutteurs à la tribune de Florence. De tous les exercices du stade, le plus compliqué était sans contredit le pentathle. Il comprenait 5 épreuves, le saut, le disque, le javelot, la course simple et la lutte. Nous connaissons déjà les 2 dernières. Pour le saut, on montait sur un tertre. Les concurrents prenaient de l'élan en balançant des haltères. Ils franchissaient ainsi des distances énormes, jusqu'à 50 pieds, dit-on. On se servait, pour l'épreuve suivante, des 3 disques de bronze, en forme de lentilles, très lourds et polis, percés d'un trou, que l'on conservait dans le trésor des Sicyoniens. L'athlète montait sur le tertre et lançait son palet le plus loin possible. Avec le javelot, on tirait à une cible. Des airs de flûte sur le mode pitique accompagnaient les mouvements des athlètes. On s'est demandé souvent par quelle méthode on pouvait décerner le prix du pentathle. On a proposé bien des explications dont aucune ne satisfait complètement l'esprit. À notre avis, les 3 premiers exercices, le saut, le disque et le javelot, étaient simplement 3 épreuves préliminaires dont il fallait triompher pour prendre part aux 2 épreuves décisives, la course et la lutte. Avec ses jambes, son palet ou sa flèche, il s'agissait non point d'arriver premier, mais d'atteindre une certaine limite fixée par les juges. On écartait du concours quiconque restait en deçà. Les auteurs anciens nous disent en effet que pour gagner le prix du pentathle, il fallait commencer par triompher dans les 3 premières épreuves. Les athlètes qui restaient s'élançaient ensuite dans le stade par groupe de 4, comme à la course simple. Les vainqueurs des divers groupes étaient enfin accouplés d'après la méthode ordinaire de la lutte simple et combattaient jusqu'au moment où, tous les rivaux étant écartés, on pouvait proclamer le roi du pentathle. Les exercices des enfants, course, lutte, pugilat, pancrace et pentathle, était la reproduction exacte de ceux des hommes. Mais on supprima presque aussitôt le pentathle, trop pénible pour de tout jeunes gens. On vit des enfants de 12 ans remporter des couronnes, mais le plus souvent, ces petits prodiges ne tenaient pas les promesses de leur début. Pendant tant de siècles, à peine 2 ou 3 vainqueurs au combat d'enfants obtinrent des prix plus tard au vrai concours. À l'hippodrome, la plus ancienne course, celle des chars à 4 chevaux, resta toujours la plus populaire. D'abord, l'on tire au sort les différentes stalles. La partie centrale de la barrière s'avance en pointe, comme un éperon de vaisseau. Au bout de l'éperon, sur l'autel de briques, se tient l'aigle de bronze, les ailes étendues, et près de l'aigle, le dauphin. Au premier coup de trompette, le gardien de l'hippodrome met en mouvement sa machine, le dauphin tombe à terre, et l'aigle s'élève aux yeux des spectateurs. En même temps, à chacune des extrémités de la barrière, on abat la corde qui ferme les stalles. De chaque côté, un char s'avance lentement, puis un second, un troisième, jusqu'au moment où tous les concurrents sont alignés en face la pointe de l'éperon. Au second coup de trompette, tous s'élancent dans la carrière. Le vent gonfle la tunique légère des cochers aux couleurs voyantes. Les attelages se perdent dans la poussière. Les chevaux redoublent de vitesse ou s'affolent quand ils approchent de la borne où se cache le lutin Taraxippos, ou bien quand ils passent devant l'estrade des trompettes. Des chars sont emportés hors de la carrière, d'autres s'entrechoquent, se brisent, se heurtent aux débris ou roulent dans un ravin. Les conducteurs les plus intrépides pâlissent à la vue de cette borne maudite qu'il faudra doubler 12 fois. La course est finie, les Elanodis rendent leur arrêt, et un héros proclame le nom du triomphateur, le propriétaire de l'attelage. La course des quadriges sert de modèle pour tous les exercices introduits plus tard, les attelages de mulets, les chars à 2 chevaux, les chars à 2 ou à 4 poulains. L'innovation la plus importante est celle des courses de chevaux montés, qu'ont imité les peuples modernes. À Olympie, l'on ne connaissait pas les sauts d'obstacles, mais avant d'arriver au but, le cavalier devait s'élancer à terre et suivre son cheval les rênes en main. On ajouta plus tard les courses de juments et de poulains. Dans ces exercices, le prix était décerné au cheval plus qu'au cavalier. Un jour, Phédolas tomba dans l'arène. Sa jument continua sa route, doubla la borne, arriva la première et s'arrêta net devant les juges qui lui donnèrent la couronne. La jument de Phédolas, surnommée le Vent, eut, comme plusieurs chevaux célèbres, une statue de bronze dans l'Altis. Les héros et les trompettes en titre, assistés de leurs aides, jouaient un rôle des plus actifs dans les champs de course comme aux cérémonies et aux processions de l'Altis. Dès le commencement du IVe siècle avant notre ère, on imagina d'ouvrir deux concours particuliers de crieurs et de trompettes. Debout sur l'autel des héros près de l'entrée du stade, dominant toutes les têtes de la foule, ils tiraient de leur instrument ou de leur gosier leurs notes les plus sonores que comparaient gravement les Elanodis. Comme les athlètes, ils couraient d'Italie en Asie mineure, paraissaient à tous les jeux, récoltaient des couronnes, souvent obtenaient des statues. Les plus habiles voulaient faire consacrer leur talent à Olympie. Le géant Orodoros de Mégare y gagna 10 fois le prix des trompettes. Il soufflait à la fois dans 2 instruments et si fort que personne autour de lui ne pouvait en supporter le bruit. Il est vrai qu'il avait 8 pieds de haut et mangeait chaque jour 8 livres de viande. Immédiatement après chaque exercice, le vainqueur du concours entrait dans sa gloire. Un héros s'avançait dans le champ et criait à la foule le nom du triomphateur, de son père et de sa patrie. L'athlète ou le maître du char s'approchait des Elanodis qui lui remettaient une branche de palmier et l'invitaient à se présenter le jour de la distribution des récompenses. Alors, parents, amis, compatriotes, admirateurs connus ou inconnus saluaient le vainqueur, lui jetaient des fleurs, s'emparaient de lui, le soulevaient sur leurs épaules. Diagoras de Rhodes, lui-même ancien olympionique, avait conduit à Olympie ses 2 fils qui gagnèrent chacun un prix. Les 2 jeunes gens couronnent leur père, le portent en triomphe, pendant que les pèlerins couvrent de fleurs l'heureux vieillard. « Meurs, Diagoras !» lui crient des enthousiastes. « Meurs, car tu n'as plus rien à désirer !» De joie, le brave homme rendit l'âme. La distribution des prix était fixée au dernier jour de la fête. À l'origine, on distribuait des objets précieux, des trépieds, de riches étoffes. À l'époque romaine, on adopta souvent le système des primes en argent. Mais pendant toute la grande époque de la civilisation hellénique, les vainqueurs recevaient seulement une couronne d'olivier sauvage ornée de bandelettes. Un des enfants de cœur, qui appartenait à une grande famille sacerdotale et devait avoir encore son père et sa mère, avait coupé avec une faucille d'or les branches de l'arbre sacré planté par Héraclès et qu'on voyait encore sous l'Empire romain près de l'Opisthodome. Le crieur, qui venait de remporter lui-même le prix au concours des héros, proclame l'un après l'autre tous les vainqueurs de l'Olympiade. En présence des magistrats et des prêtres héléens, devant les représentants de toutes les races grecques, les Elanodis posent les couronnes sur le front des triomphateurs. Puis l'on se forme en cortège. Les nouveaux olympioniques, précédés des Elanodis, accompagnés de toutes les autorités civiles et religieuses, des hôtes publics et des députés des diverses nations, même des statues des dieux qu'on porte en grande pompe, descendent dans l'Altis où la foule trépigne d'enthousiasme. Vêtus de couleurs éclatantes, couronnes en tête, palmes en main, au son des flûtes et des voix, ils s'avancent lentement. Derrière eux, harnachés de fleurs, le col relevé, piaffent les chevaux, les juments et les poulains vainqueurs. Autour d'eux, des chanteurs entonnent à plein poumon des poésies de circonstances. Après les strophes ou les couplets, tous les assistants, magistrats, prêtres, athlètes ou pèlerins reprennent en chœur le refrain consacré des vers d'Archiloque. « Gloire à toi, puissant Héraclès, vainqueur dans les jeux. Gloire à toi, Iolaos. Gloire au noble couple, Ténéla, Ténéla, gloire au vainqueur. » Le cortège arrive aux autels des 12 dieux. Au milieu de la foule recueillie, les triomphateurs offrent leurs sacrifices et leurs actions de grâce. La procession s'ébranle de nouveau. Elle se dirige cette fois vers le Prytanée, où les Éléens ont fait préparer un grand festin. Au banquet des vainqueurs sont invités tous les privilégiés d'Olympie, magistrats, prêtres, proxènes et théors. La foule groupée aux portes recueille avidement l'écho des joyeux vivats. La gloire des vainqueurs sera entièrement consacrée dès que les Elanodis auront fait inscrire leur nom au gymnase sur la liste des Olympioniques. Pendant toute la vie, même plusieurs siècles après la mort, se prolongeait l'effet d'une victoire olympique. On s'enivrait d'orgueil dans les processions et les banquets de l'Altis. On rentrait en triomphe dans sa patrie. On voyait son image se dresser en bronze sur plusieurs points du monde. Renté et nourri par ses concitoyens, on vivait de l'estime et de l'admiration publique. On pouvait prétendre à tous les honneurs. On lisait d'avance son nom inscrit dans l'histoire. Après avoir marché vivant dans sa propre gloire, on avait encore l'espérance de mourir Dieu. Ainsi s'achèvent les Jeux Olympiques par Paul Monceau.